J'ai rencontré mon ancien prof de lycée hier soir dans un café. Je croyais que c'était prohibé. J'étais bien accompagné, ce chargeur d'une PP. C'est pas beau te cacher quand t'es marié. M'entendez-vous, que devenez-vous? Me dit-il sur un ton très relax. Casse pas la tête, je lui répondis. C'est drôlement plus chouette que quand j'étais dans ta classe. Drôlement plus chouette que quand j'étais dans ta classe. C'est de salaud qui m'avait dit qu'en travaillant comme un cheval, je pourrais m'en tirer dans la vie. J'ai un diplôme qui est pas moche, j'ai pas un bas dans la poche. Je fais la pile au chômage pour un morceau de fromage. Vous n'arriverez à rien si vous faites de la musique avant que vous soyez out de la classe. Quand je t'écoutais, connard, je voulais que t'arrêtes ton char. Garde ta salive, baratine tes connasses. Garde ta salive, baratine tes connasses. Je chante dans un groupe dingue, je prends mon pied tous les soirs. On fait de la musique punk, c'est pas la mer à boire. Je t'enverrai le disque par la poste, on aura une tarte sur ta bosse. Quand t'allumeras ton ampli, t'auras la suite de ta vie. Vous n'arriverez à rien si vous faites de la musique avant que vous soyez out de la classe. Quand je t'écoutais, connard, je voulais que t'arrêtes ton char. Garde ta salive, baratine tes connasses. Garde ta salive, baratine tes connasses. Garde ta salive, baratine tes connasses. Vous n'arriverez à rien si vous faites de la musique avant que vous soyez out de la classe. Quand je t'écoutais, connard, je voulais que t'arrêtes ton char. Garde ta salive, baratine tes connasses. Garde ta salive, baratine tes connasses. Bientôt je serai superstar, je déclasserai Mozart. J'aurai mon nom blanc sur noir, quand tu donneras cours d'histoire. J't'enverrai le disque par la poste, prendrai une carte sur ta bosse. Quand t'allumeras ton ampli, t'auras la suite de ta vie. Vous n'arriverez à rien si vous faites de la musique avant que vous soyez out de la classe. Quand j't'écoutais, connard, je voulais que t'arrêtes ton char. Garde ta salive, baratine tes connasses. Garde ta salive, baratine tes connasses. N'arriverez à rien si vous faites de la musique avant que vous soyez out de la classe. Quand je t'écoutais, connard, je voulais que t'arrêtes ton char. Garde ta salive, baratine tes connasses. Garde ta salive, baratine tes connasses.